à l'orage qui gronde. Yeah. Parfois, il y a la pluie qui tombe. Parfois, il y a le soleil qui plombe. Parfois. Mais moi, je m'en fous du temps qu'il fait. Yeah. Souvent, il y a des bagnoles qui bondent.